Un beau programme sera plein de soleil. L'accordéon, c'est la joie, c'est si bon. Vive le musette et ses jolies chansons. L'accordéon de nos belles régions. C'est la France en chanson. Près d'Orléans, une radio sympa. L'émission qui vous enchantera. C'est Arc-en-Ciel et notre ami Michel qui adore le piano à Bruxelles. Vos dédicaces seront les bienvenus. Avec lui, vous ne serez pas déçus. C'est Arc-en-Ciel et notre ami Michel qui adore le piano à Bretelles. Vous dédicacerons les bienvenus. Avec lui, vous ne serez pas déçus. Arc-en-Ciel, 12h passées de 36 minutes. Je crois que les publicités ont été plus vite que l'animateur. On y repassera à 14h comme c'est prévu. Silence. Eh bien, c'est dimanche, c'est l'accordéon de nos régions jusqu'à 15h. Je vous souhaite une bonne écoute sur le 96.2 et pour les internautes, je rappelle www.radio-arc-en-ciel-tout-attaché.fr. Bon après-midi à notre écoute et on démarre tout de suite avec monsieur Guy Ashliman et son orchestre. Et on va démarrer par le Morvan. Et autrement dit, la Morvandelle. Allons les Morvandiaux, chantons la Morvandelle, chantons nos clairesaux, et la forêt si belle, la pluie dans les roseaux fleuris, et notre bois flottant qui vole vers Paris, qui souffle à la Provence. Parmi nos solitudes, on dit que le Morvan est un pays bien rude, mais si les pauvres et fiers, il nous plaît mieux ainsi, et qui ne l'aime pas, n'est cette point d'ici. Nos pères ont été pour elle et non sans gloire, rêveurs de l'État, César de quatre sous, les braves Morvandiaux se moquent bien de vous. Pourtant nous subissons un reste de servage, pourquoi ces nourrissons privés du cher breuvage? Gardons vos maisonnies, nos femmes près de nous, nos filles et nos fils ont droit à leur nounou. Allons les Morvandiaux, chantons la Morvandelle, les bois, les frais des eaux, aimés d'un cœur fidèle, nos bûches qui s'en vont, Paris s'en chauffera, nos gars et leurs mamans, Paris s'en passera. Ah, ah, ah, ah, ah. Thomas à Cornemuse, toujours avec Guy Schliemann. chapeau noir et tango, c'est un joli duo, une ambiance géniale qui se glisse dans le bal. Chapeau noir et tango, c'est un tendre tableau. Sur ce rythme glamour, je voudrais, mon amour, que ça dure toujours. Dans cette intimité, c'est bon de se frôler sur ce tango velours. Tu es si douce et romantique, tu rimes avec cette musique. Je sens ton cœur battre en douceur sur mon cœur. Dans ce petit bal de Bourgogne, le glissement des pas étonne. Joue contre joue, Dieu que c'est fou, la piste entière est à nous. Chapeau noir et tango, c'est un joli duo, une ambiance géniale qui se glisse dans le bal. Chapeau noir et tango, c'est un tendre tableau. Sur ce rythme de l'amour, je voudrais, mon amour, que ça dure toujours. Dans cette intimité, c'est bon de se frôler sur ce tango velours. C'était donc Guy Hachliman, et on écoutait de Guy Hachliman, la Morvandelle chante ma cornemuse, la tarentelle Morvandelle et chapeau noir et tango. C'est vrai qu'avec un nom comme ça, Guy Hachliman, on pense pas du tout au Morvan, mais bon, on pense plutôt à l'Alsace. En parlant d'Alsace, on va écouter les Vosges, interprété par Christelle et Cyril Renaud, Rossignol des Vosges. Thank you. Et on continue avec Marie des Bruyères, interprétée par Bernard Rual. Quand on dansait, pardon, le Charleston dans le Morvan avec Guy Schliemann. Et on continue bien sûr l'accordéon de nos régions, et cette fois-ci ce sera une dédicace. C'est de la part de Thérèse pour l'anniversaire de Jean-Claude, qui se trouve, je crois, dans une maison de retraite du côté de Chambord. Et comme il aime la chasse à courre, on va lui passer honneur au sonneur avec Cyril Musique. Voici donc Cyril Musique dans le château de Valençay, figurez-vous. Et voilà, c'est fait. On continue. Une autre dédicace de la part de Simone pour tous ses amis de l'accordéon, pour Mamie Geneviève et l'animateur. Merci. On écoute. Moi, je l'appelle Fleurette. Non, c'est pas la crème, je vous rassure. La crème Fleurette, non. Oui. Par Guy Schliemann. Quelques pas de bourré, et moi je danse complètement beurré. J'ai une parole vraiment formidable, elle mène la joie à l'étable. Moi je l'appelle Fleurette, elle est vraiment parfaite. Ainsi je l'ai baptisée pour les tours de mon pré. C'est ma jolie Fleurette, tu ne vas voie ferrée. Elle voudrait bien voir le TGV, mais à 300 à l'heure, ma vache prend peur. Elle a trouvé la bonne solution, passe mes sudos en bonne position. Ma vache qui n'est vraiment pas con, regarde passer les avions. Nous l'appelons Fleurette, c'est notre bavache coquette. Elle est pleine d'humour, elle me dit sans détour. Allez te faire pas de tracas, mon bon laisser que pour toi. Trouve-moi un taureau de très bon aloi, t'auras le lion pour toi. Parce que, puisqu'on est dans les trompes de chasse tout à l'heure, on va écouter les trompes de chasse Saint-Hubert de Luxembourg. Eh oui, on part un peu à l'étranger, mais ça touche la France quand même. Hein. Thank you. c'était la fête au château avec les trompes de chasse de Luxembourg. Et on continue avec l'orchestre des Trois du Rythme. Je ne connaissais pas. On change de région un petit peu et on écoute. Et on écoute et on écoute. Le printemps d'Alsace. Traverse la France maintenant pour aller en Alsace, en Bretagne, pardon, avec Sarah Eddy qui nous interprète la jument de Michaud. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le Allons nous promener dans les Vosges avec le Music Show Orchestra. Allons nous promener dans les Vosges, partons demain, il doit faire beau. C'est vrai, les gens. C'est pas dans les bois, c'est dans les Vosges. Elles seront belles sur les photos. Pas pour nous deux, un tour de lac. C'est romantique dans une mare. Toi et moi, gentiment, là-haut sur la montagne. Toi et moi, tendrement, prendre le temps de respirer vraiment. Écoutez chanter la nature, loin du bruit des villes et des voitures. Tarte aux myrtilles, minster et pain, avant de courir dans les prés. Va pour nous deux, tous nos souris, y a pas plus heureux dans la vie. Toi et moi, gentiment, là-haut sur la montagne. Toi et moi, longuement, prendre le temps de respirer vraiment. Écoutez chanter la nature, loin du bruit des villes et des voitures. Partons demain, il doit faire beau. Marcher nous fera les joues roses et le plus grand bien pour la peau. Va pour nous deux, main dans la main. Un bol d'air pur, ça fait du bien. Toi et moi, gentiment, là-haut sur la montagne. Toi et moi, longuement, prendre le temps de respirer vraiment. Écouter chanter la nature, loin du bruit des villes et des voitures. On va se faire un petit plaisir maintenant. À Sully-sur-Loire, il y avait un festival d'accordéon le 1er octobre 2015 avec Benoît Nortier, Karen Neville, Chantal Soulu, Nathalie Bernat et Jean-François Carcagno et son orchestre Figurez-vous. Alors, pour ceux qui ont internautes, vous faites tout simplement Festival de Sully-sur-Loire et vous avez tous les renseignements. On va écouter nos accordéonistes pour le final. Ils vont tous jouer ensemble, évidemment, ça. Avec Carcagno et son petit accordéon. Eh bien voilà, ça se passait donc en 2015 à Sully-sur-Loire. On va continuer avec, je sais pas, c'est le hasard qui fait les choses. On va continuer. Pourquoi ne continuerions pas? On va écouter Jean-Baptiste Mercial et Cancale, Bretagne bien évidemment. La Bretagne. Chambre d'hôtel à Deauville, où était sa cabour? Avec vue sur le spleen. C'est pas de l'accordéon, mais ça fait rien. C'est Cancale quand même. Je sens ses pas qui s'effacent sur les galets d'une plage, comme pour noyer la trace d'un éternel orage. Mirage au large qui décourage comme un nuage à voiler le soleil. Cancale, Cancale, les sirènes sur la plage de Cancale, au terme d'un trop long voyage. Cancale, Cancale, les sirènes sur la plage de Cancale, au bout d'un trop long naufrage. Alors s'échoue dans les choux, l'unique amour à vous. Ouh. Caché derrière les rideaux d'une luxueuse limousine, avant que je me jette à l'eau, abandonne-moi un signe. La dernière vague se brise sur le mot fin de ton roman. Emporte dans tes valises les larmes de l'océan. Mirage au large qui décourage comme un nuage à voiler le soleil. Hey, hey. Cancale, Cancale, les sirènes sur la plage de Cancale, au terme d'un trop long voyage. Cancale, Cancale, les sirènes sur la plage de Cancale, au bout d'un trop long naufrage. Alors c'est chaud dans les choux, l'unique amour à vous. Mirage au large qui décourage comme un nuage à voiler le soleil, plus jamais pareil. Cancale, Cancale, les sirènes sur la plage de Cancale, au terme d'un trop long voyage. Cancale, Cancale, les sirènes sur la plage de Cancale, au bout d'un trop long naufrage. Alors c'est chaud dans les choux, l'unique amour à vous. Et on continue les dédicaces pour le plaisir personnel de Paulette, Fleur et les Ombrais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je dis Fleury, il n'y en a plus qu'une. Une Paulette. Donc c'est pour Paulette, Carillon d'antan, Jo Sonny. Sur la place du village, vous trouverez le sage qui vous parlera de nos villageoises et vous dira laquelle qui pour vous bien convienne. Mais attention, faut tenir bon langage. Bonjour belle demoiselle, j'ai comme une étincelle dans mon cœur qui vous trouve si belle. Je vais vous dire tout mon amour et vous demande en mariage pour toujours. Ce fut le plus beau des mariages, de la joie sur tous les visages. Sous notre carillon d'antan, nous aurons beaucoup d'enfants. C'est un tourbillon de bonheur, nous allons tous chanter en chœur. Sacré vieux carillon d'antan, qui nous donne du bon temps. Traverse la France en zigzag, on part pour les Pyrénées, des Landes aux Pyrénées avec Michel Danet et Daniel Epi, et ce sera sous le beau ciel des Pyrénées où il neige actuellement, je le signale. Voici donc Michel Danet et Daniel Epi. Plein d'audace, on dirait qu'il perce le firmament. Le soleil ne peut-y fondre la glace, la neige est là, blanche éternellement. Viens, fuyons sous les ailes du tourisme, grisons-nous des beautés du col d'Aspin. Viens d'en voir toutes les couleurs du prisme, du Tourmalet, enchantement sans fin. Sous le beau ciel des belles Pyrénées, laissons nos cœurs vibrer à l'unisson. Faisons tous deux de belles randonnées, ivres d'amour. S'extasiera devant tant de beauté sous le beau ciel des Pyrénées. Chantons l'amour, chantons la volupté. Eh bien, on continue notre petite récréation avec Jean-François Carcagno. À chaque fois, je l'ai invité sur à Radio Arc-en-Ciel, mais il n'y a pas moyen de l'avoir, je vous le signale tout de suite. C'est un véritable sport. Il fallait qu'il chante sa chanson préférée, très certainement préférée, Mexico. Alors on l'écoute, c'est exceptionnel. C'est un document. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'espère que Simone est à l'écoute. Hein. L'heure des montagnes de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur. Merci et bon après-midi à toutes et à tous. On écoute Josoni et ce sera Fleurs des montagnes. Fleurs des montagnes, petite fleur si jolie, très belle dame, pour vous cette belle mélodie. Charme nous redonne goût à la vie. Merci pour tant de beauté, planète, l'homme va te protéger. Eh bien, on va continuer nos petites récréations. On va écouter Le Pont des Larmes, paroles de Jean-René Nativel et musique de Charles Cassonnet. Et c'est interprété par Thierry Monicot. On écoute Le Pont des Larmes. Il y a une histoire sur Le Pont des Larmes, mais je ne peux pas me permettre de le raconter à l'antenne. Bon, alors... Thank you. fond des larmes. Le soleil s'est couché sur le port et la mer s'est habillée de brume. J'entendais dans le soir le murmure d'une brume dans le cœur d'un trou. Que les mon siphon, la couronne, ont attendu au fond de la. Cherche à son prénom. Et on continue avec Michel Danet et Daniel Lépi, fiers d'être landais. Nous sommes les toreros de course landaise. Nous avons le courage de rentrer dans l'arène. On te saluera, mon chauve, brave torero. On fera tout pour être digne du boléro. Je suis fier de mon courage. Qui me suit du regard, la brave bête, je t'offre mon écart. Je suis fier de mon courage, je suis fier d'être landais. Je suis fier de mon courage, je suis fier d'être landais. Mettre toute ma rage dans la course à l'espoir, je marcherai bien droit pour prouver mon courage. Construire ma légende et devenir le roi des toreros des Landes après 10 000 espoirs. Je suis fier de mon courage, je suis fier d'être landais. Je suis fier de mon courage, je suis fier d'être landais. Ce soir on ira tout danser. Quelques instants, nous repassons les publicités que j'ai pu passer par erreur en début d'émission. C'est vrai que lundi, j'ai pas son début et enfin, donc ça mélange un petit peu tout. Hein. Le jour de sa naissance, on est fait l'otarie. Dès la première enfance, le douanier vous poursuit. En vient l'adolescence, les filles vous sourient. Aïe, ton chiqueton, aïe, ton aïe, ton aïe, aïe, ton chiqueton, aïe, ton aïe, aïe, ton chiqueton, aïe, aïe, ton chiqueton, aïe, ton aïe, aïe, ton chiqueton, aïe, ton aïe, aïe, ton chiqueton, aïe, ton aïe, aïe, ton chiqueton, aïe, on est la nuit. Et un petit hommage personnel et de Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment, à Roger Sy. On va écouter L'Étoile et Troubadour, interprétée par Roger et sa petite fille Emmanuelle. Si tu passes par la Corrèze, prends le chemin du bonheur, tu longeras les falaises. Tu en prendras dans ton cœur que la nature y est belle,

Le brise-pied de Sylvie, bien sûr, chanté, interprété par Sylvie Pulès. Pour les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel qui sont intéressés d'écouter Thierry Monico sur notre antenne, que Thierry anime chaque samedi, j'ai pas les heures exactes, je crois que c'est vers 18h, et chaque dimanche, une émission qui s'appelle Les Accrodéons. Les Accrodéons se diffusaient sur Radio Chrétienne de France, RCF, en Berry. Et pour les internautes, bien évidemment, pas pour les autres, parce que c'est un peu loin, vous pouvez le capter sur tout simplement RCF en Berry, et vous cherchez sur la lettre M comme Monico. Voilà. Alors on va essayer d'en avoir un petit extrait dans quelques secondes. C'est pas une émission en direct, c'est un podcast, comme on dit. Et c'était la musique de Sébastien Lecoin ce jour-là. Alors on va essayer de la voir si on peut. Si on peut. Je dis bien si on peut. C'est pas évident. Alors le podcast, il est là. M comme Monico. Alors on cherche Monico. Évidemment, c'est pas celui-là. Mais c'est pas grave, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous cherchez M comme Monico. Voilà. Comme au bal avec Sébastien Lecoin, et on va lancer la diffusion. À toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur RCF en Berry pour votre émission Les Accrodéons. Nous allons commencer notre petit tour de France avec cette rubrique L'accordéon dans nos régions, en commençant par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Retrouvons Christophe Lampidecchia qui va nous interpréter La Flamboyante. Voilà, on n'en pensera pas plus, évidemment. Parce que c'est pas des concurrents, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il n'a que 45 minutes d'émission. Et vous voyez, ça s'appelle aussi l'accordéon de nos régions. On continue avec Jossoni, nous. Et ce sera... Non, avec, oui, avec Jossoni, pourquoi pas. Thank you. Voilà, je vous laisse quelques instants en compagnie de monsieur Jean Segurel, figurez-vous. Thank you. est le paradis du vieux pays. Jolie, jolie, c'est à Paris qu'elle se rendit. Mais tout là-bas, son amoureux lui écrivit les larmes aux yeux. Je t'envoie ces prières pour que tu les compares aux fleurs de Paris. Dis ma douce bergère, en as-tu trouvé dans les rues d'aussi jolies? Quand le soleil se lève, peux-tu voir comme ici le ballon s'éclairé? Et quand le jour s'achève, entends-tu nos ruisseaux murmurer? Quand le soleil se lève, c'est pour réchauffer notre humble toit chaque jour. Et quand le jour s'achève, c'est pour garder notre grand amour. Bordeaux des bonnes dières, celle des grands ont gagné la gloire d'une victoire. Ici n'est pas à dédaigner. Et on écoute maintenant la Scottish des Troubadours par Sylvie Pulès. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. La vie mêle sur Arc-en-Ciel Orléans. On a débordé un petit peu, c'est pas grave. On va revenir en France maintenant. Avec Jean Segurel et le ciel d'Auvergne. Le le ciel bleu, le ciel bleu de l'Auvergne. J'ai murmuré en te prenant la main des mots d'amour qui effacent la peine sous le beau ciel d'Auvergne. Le jour où tu revins et les nuages qui amènent l'orage s'en sont allés emportant le passé. Ciel de velours au ciel de mon Auvergne, au nom des jours abrite notre amour. Amène l'orage, s'en sont allés, emportant le passé. Ciel de velours, beau ciel de notre Auvergne, au long des jours, abrite notre amour. Et on va continuer et terminer avec la Bretagne traditionnelle. On va écouter tout d'abord farine de froment, farine de blé noir. Voilà. Trois bigoudettes sont partis prendre le car. Farine de froment, farine de blé noir. Trois bigoudaines sont partis prendre le car. Elles ont à New York faire des crêpes et du phare. Gare de Quimper, Kenavour au revoir. Farine de froment, farine de blé noir. Gare de Quimper, Kenavour au revoir. Essuyez vos larmes, agitez les mouchoirs. Il est midi, il fait encore tout noir. Farine de froment, farine de blé noir. Il est midi, il fait encore tout noir. Décalage horaire, le soleil est en retard. Zéro, zéro, d'où est que zéro? Tous ces gratte-ciel comme des sapins de Noël. Hello, gourmand, dites monsieur l'agent. Where is the whippery of madame Guerjean? You are a key, je suis allé hier soir. Farine de froment, farine de blé noir. You are a key, je suis allé hier soir. 60e étage au fond du couloir. Pas la pâte à crêpe et pas la pâte à part. Farine de froment, farine de blé noir. Pas la pâte à crêpe et pas la pâte à part. Faut travailler dur si tu veux des dollars. C'est bon, Dieu est que c'est bon. Fini les hamburgers, on veut des crêpes au beurre. Tout New York fait la queue sur le trottoir. Les trois bigoudaines sont devenues des stars. Trois bigoudaines sont revenues en fanfare. Farine de froment, farine de blé noir. Paris tout noir. Alors si vous voulez la fortune et la gloire, farine de froment, farine de blé noir. Si vous voulez la fortune et la gloire, je vous dirai comment faire des crêpes et du vin. Si vous voulez la fortune et la gloire, je vous dirai comment faire des crêpes et du vin. Et on continue avec la Bretagne. Bonsoir, maître. Et bonsoir, maître de maison. Et bonsoir, maison. Maître de maison. Et à toute la compagnie que l'on tire de l'Andura. Et à toute la compagnie que l'on tire de l'Andura. Je suis venu ici ce soir. Je suis venu ici ce soir. Pour demander votre figue l'on tire de l'Andura. Pour demander votre figue l'on tire de l'Andura. Laquelle voulez-vous, monsieur, laquelle voulez-vous? La grande ou bien la petite, l'homme tire de l'Andura. La grande ou bien la petite, l'homme tire de l'Andura. La petite, s'il vous plaît, la petite, s'il vous plaît. Car elle est la plus jolie que l'homme tire de l'Andura. Car elle est la plus jolie que l'homme tire de l'Andura. La grande est au coin du feu. La grande est au coin du feu. Elle pleure, elle soupire, l'homme tire de l'Andura. Elle pleure, elle soupire, l'homme tire de l'Andura. Ma fille, pourquoi pleurez-vous? Ma fille, pourquoi pleurez-vous? Demain vous serez mariée, que l'homme tire de l'Andura. Demain vous serez mariée, que l'homme tire de l'Andura. Avec un riche marchand, avec un riche marchand, un marchand de mort subite, l'homme tire de l'Andura. Un marchand de mort subite, l'homme tire de l'Andura. Il ressent de ta Bordeaux, il ressent de ta Bordeaux, à cheval sur une barrique, l'homme tire de l'Andura. À cheval sur une barrique, l'homme tire de l'Andura. Et bonsoir, maître de maison. Bonsoir maître de maison, et à toute la compagnie que l'on tire de l'Andura. Et à toute la compagnie que l'on tire de l'Andura. Nous sommes venus ici ce soir, nous sommes venus ici ce soir. C'est pour chanter et pour rire l'on tire de l'Andura. C'est pour chanter et pour rire l'on tire de l'Andura. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. C'est dans 9 ans, le galivin viendra. Le jumeau de Michon, ouais, ça repentira. C'est dans 9 ans, le galivin viendra. Comme on l'a déjà écouté tout à l'heure par un autre groupe, la jument de Michon, on va pas leur passer, hein. On va écouter la valse des marins. Et ce sera terminé pour la Bretagne. malades vont en danger de mourir. On m'a dit pour le guérir, il est fallu de s'amourir. Moi qui est médecin, moi qui est médecin, Jean-Marie. On m'a dit pour le guérir, il est fallu de s'amourir. On m'envoya à la ville chercher des remèdes pour lui. Moi qui est médecin, moi qui est médecin, Jean-Marie. On m'envoya à la ville chercher des remèdes pour lui. Je partis le samedi et je revins le vendredi. Moi qui est médecin, moi qui est médecin, Jean-Marie. Eh bien, j'avais dit que j'arrêtais à la Bretagne, il a débordé. Il m'écoute pas, hein. C'est triste de voir ça, le personnel. Le personnel cédé. On va revenir à notre ami Guy Schliemann. Quand Lulu joua de l'accordéon. Alors, Lulu, je vous dois une explication. Lulu, c'est Lulu Charleux, célèbre accordéoniste du siècle dernier. Ah oui, largement du siècle dernier. Célèbre dans tout le Morvan. Quand Lulu. Voilà. C'est calé, c'est parti. Eh bien, l'émission va se terminer dans quelques instants. On se retrouve demain à partir de 14h pour Cocktail Coloré, les beaux succès de France. N'oubliez pas, 14h, 16h. Chantons-les, nos succès de France, nos mélodies d'enfants. Aux accents du nord de Provence, quand ils nous invitent à boire un petit coup. Soit temps ou plein d'insolence, on les reprend à l'unisson. Chantons-les, nos succès de France, sur un air d'accordéon. c'est très bien. Et maintenant, on tape dans ses mains. Chantons-les, nos succès de France, nos mélodies, nos faux-fous. Aux accents du Nord ou de Provence, quand ils nous invitent à boire un petit coup, qu'il soit temps ou plein d'insolence, on les reprend à l'unisson. C'est très bien, et maintenant on tape dans ses mains. Qu'il soit temps ou plein d'insolence, on les reprend à l'unisson. Chantons-les, nos succès de France. Passé de 57 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel, on va se quitter dans 2 minutes et demie. Je vous laisse en compagnie de RDP International en direct du Portugal. On se retrouve demain à 14h, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour Cocktail Coloré et les grands succès de France dont vous venez à réentendre l'indicatif. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et rendez-vous donc demain. Et pour l'accordéon, samedi prochain, 16h, 18h, le petit bal du samedi soir. Demain, nous ferons un petit coucou, si j'ose dire, un petit clin d'œil au 11 novembre 1918. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce que je dois vous dire. Bonne soirée, restez bien au chaud, parce que dehors, il ne fait pas tellement chaud, figurez-vous. C'est pas l'époque non plus, hein. Il faut le dire. On termine avec Guy Schliemann. Amis, passez donc par ici, venez visiter notre pays. Nos jolis villages, témoins d'un autre âge, vous accueilleront sans façon. Ici, pas question de chichi, mais notre table est bien garnie. Jambon, saucisson, bon vin bourguignon, on dit que la vie a du bon. Tendresse Morvandelle, c'est un enchantement. Quand le soleil réveille les prés, les bois, les champs, quand nos montagnes noires frémissent dans le vent. Tendresse Morvandelle, C'est un décor charmant.